J'ai vu de ce moi, j'suis fatigué. Mon cœur va te bélier, ce c'est que j'ai paniqué. Elle est plus faite, donc j'suis attristé. J'me pense à tous les années que j'me suis attiré. Tu connais l'urgence sur la péniche. Nique le code pénal, que les miches glancent zéro pénal. Tu fais la pute, tu veux une médaille. Dégage un cadavre, c'est qu'on lobby, personne n'égale. Que le plaisir, que le jeu, que l'argent, j'ai l'amour, j'ai la haine, comme ces gens, tout est bon, tout est bon. Dans le fond du bang, c'est des ronds. Baisse les fédéraux, vend du H, fais des sous. Tout est bon, tout est bon. Dérangez pas quand je lime. Pour avoir le pli de la cime. Elle écoute Chi White de la Sine. La pluie fait couler son aligner. Non, non, j'ai Alzheimer. Mais on vont, c'est pas vous, pute. Enchaîne, y'a pas de coupure. Fais pencher la péniche. Turn up, ça se bouscule. Fais pencher la péniche. Ta meuf fout sa péniche. Les gens me parlent. Que de rap. Je m'en bats les couilles. J'suis dans la trappe. Et pour de vrai. Pas pour de faux. J'analyse tout. Tu balises trop. J'avale tous ces goofies comme des balistos. Et je descends l'après-midi, je ressens la terre. Je m'en fous d'être bourgeois à la dèche. Pétasse des faux bourrés en latex. Bosser pour des salauds, c'est pas dans nos plans. Bleuver tous les jours, pourtant. Traverse la rue, tu peux te prendre une balle au pif. Ou finir à bouffer au Buffalo Grill. Ils parlent trop chinois, ça devient trop gênant. Ça pue plutôt ces magies noires et j'éclore tout comme Magellan. Ma tasse faut la cajoler, la chaîne faut la cagouler. Ma tasse faut la cajoler, la chaîne faut la cagouler. J'ai cher la mort, j'ai oublié mon putain de pochon de marie. Tu sais que vous et nous, ben les gros, c'est pas la même. On est cher, heureux, par contre, qu'on va sortir de la merde. Pour la guapo, bientôt meilleur que vous, Mino, Ronny J. Gucci Gucci t'as découvert. Je vais partir à Tokyo, Vancouver. Parce qu'avant ça, on a trop souffert. Je me dis ça juste, il faut se mettre au vert. J'ai ta savage pour toute la vie. J'ai ta go pour toute la nuit. J'ai ta savage pour toute la vie. J'ai ta go pour toute la nuit.